des ressorts géants bondissent, traversent des ciels d'anis. On les suit du regard crédule, les nuques pliées comme des virgules. Les bouches violettes de guimauve, glissantes dans nos gorges mauves. Alice a les yeux qui fleurissent, qui s'ouvrent en brillants éclats d'iris. Les ressorts sautent sur les collines, d'un contre-jour d'encre de chine. Des bras sont tortis comme du lierre autour de mon cou offert. J'hume son souffle printanier, dans sa bouche j'inocule un baiser. Les ressorts ont touché le soleil, je suce sa langue vermeille. Il y a un goût de carnaval, de char fleuri, de festival, de joie de culotte sur les cuisses. Des ressorts géants bondissent, Alice m'a crevé le cœur avec ses yeux en fleurs. Que les ressorts s'en vont bondir derrière l'horizon.